meuf t'es spéciale. La pièce du puzzle qui manque à ma vie. Sans toi j'avance, mais je suis sans but. J'sais pas comment décrire ce que je ressens. De l'amour pour toi qui coule dans mes veines. Mais t'es parti avec mon cœur, no. J'me tatouerai ton nom avec le sang de ma douleur. Juste pour t'avoir dans la peau. J'ai beau chercher l'hémorragie, essayer de sortir de ma vie. C'est pas la même avec une autre. Oh si, oh si, on recommençait à zéro. J'ai nos oreilles ne pas entendre ce que le diable nous dit pour recommencer de plus beau. Oh. Sigui, on repartait au point de départ. Oublier le mal que tu m'as fait subir. S'aimer comme c'était la première fois. Oh, oh, oh. Oh Sigui, tu savais comment ça fait mal. Seule ta présence allège à mon supplice. Tes prières me redonneront la foi. Encore un soir de plus où je pense à tes bras. Vu que c'est pas moi, c'est qui partage tes draps. Cœur laissé en mauvais état. J'aimerais plus